paix, puis sache que je tuerai pour que toi et moi on se remet ensemble. Je désire tant qu'on marche côte à côte comme avant. Je ne pourrais te laisser t'en aller sans lever les petits doigts, sans bouger. Car je n'accepte pas, non c'est vrai, oh, et que l'on vive chacun de mon côté. C'est ma vie qu'à ta part je ne peux exister sans toi tous les jours pour la partager. Seul je ne mourrai pas, oui c'est vrai, ok, mais je veux te récupérer. Tous les jours je prie avec moi, si tu ne souris pas, à quoi ça sert que je vive, car sans toi ma vie est finie. Tous les jours je prie avec moi, si tu ne souris pas, à quoi ça sert que je vive, car sans toi je serais si triste.